Salut, salut les cailloux, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Comme vous voyez, en confinement, on a beaucoup de choses à dire, peut-être encore plus que d'habitude. Je ne sais pas à quelle heure va se finir cette émission, mais tant mieux. Enfin, pour une fois, on s'en fout un peu parce que c'est pas pour ça qu'on va se coucher tard. Bref. Moi maintenant, je vais vous lire un article du Monde diplomatique sur l'Amérique latine. Qui est sorti un article du Monde Diplo qui est sorti ce mois-ci, qui s'appelle L'achat de Washington, méfiance des investisseurs, la droite latino-américaine dans l'impasse. C'est un article écrit par Renaud Lambert, journaliste au Monde Diplo. Longtemps, les conservateurs latino-américains ont cherché le réconfort dans la théorie des cycles. Après une phase où la gauche avait dominé, une autre viendrait, leur offrant la possibilité de déployer leur programme. Mais la réalité diverge parfois de la théorie. À peine revenu au pouvoir dans plusieurs pays de la région, la droite libérale se trouve menacée par une profonde contestation. En 2016, la revue économique mexicaine Expansion pousse un soupir de soulagement. Amérique latine. Le pendule rebascule à droite. L'Argentine vient alors d'élire l'homme d'affaires Mauricio Macri. Pedro Kuczynski emménage dans le palais présidentiel péruvien. Et au Brésil, M. Michel Temer est parvenu à chasser du pouvoir le parti des travailleurs. Bientôt, le camp conservateur s'élargit encore. En 2017, avec le revirement de l'équatorien Lénine Moreno, élu sur la promesse de poursuivre la politique de gauche de son prédécesseur Rafael Correa avant de faire le contraire, et en 2018, avec l'élection du chef d'entreprise chilien Sebastián Piñera. Pendant un temps, la droite latino-américaine respire l'assurance. Au cours de la campagne qui porte au pouvoir M. Macri, un journaliste l'interroge au sujet de l'inflation. Comment envisage-t-il de lutter contre ce fléau qui chahute régulièrement l'économie locale? Le candidat lève les yeux au ciel en poussant un long soupir. De toute évidence, il aurait préféré une question plus digne de ses compétences. Il consent finalement à répondre: l'inflation. C'est une démonstration d'une incapacité à gouverner. Sous ma présidence, on n'en entendra même pas parler. 4 ans plus tard, Buenos Aires affiche le plus fort niveau d'érosion monétaire d'Amérique latine après le Venezuela, plus de 50% en 2019. La pauvreté est en hausse, la dette hors de contrôle, la croissance en berne. Lors du scrutin de 2019, M. Macri doit céder l'écharpe présidentielle sur un constat d'échec. Gouvernement de luxe. La situation n'est guère plus glorieuse ailleurs. Équateur, Chili, Colombie, Bolivie. Quelques années, parfois quelques mois, après leur prise de fonction, les dirigeants conservateurs sont confrontés à la plus forte contestation de l'histoire récente de l'Amérique latine. D'autant plus remarquable qu'elle mobilise de larges fractions de classe moyenne. Incapable d'éteindre l'incendie, le pouvoir se lance dans une surenchère répressive que la région n'avait pas connue depuis la fin des dictatures. En Colombie, après la manifestation du 21 novembre 2019, le président Iván Duque a imposé un couvre-feu à Bogota et à Cali. En Équateur, plus d'une dizaine de personnes sont mortes sous les coups des forces de l'ordre entre le 3 et le 13 octobre 2019. Depuis le renversement de M. Evo Morales en novembre 2019, des militaires et des policiers quadrillent les grandes villes boliviennes. Au Chili, les cas de mort, de torture et de viol impliquant les forces armées sont si nombreuses qu'une enquête a été ouverte à l'encontre de M. Piñera pour crime contre l'humanité. Et le calme des rues brésiliennes s'explique peut-être moins par l'enthousiasme du pays pour la cure d'austérité que lui impose le président Jair Bolsonaro que par la décision du gouvernement de garantir l'immunité aux militaires qui ouvriraient le feu contre d'éventuels manifestants. Comment expliquer une débâcle aussi rapide ? Pour M. Piñera, l'affaire est entendue. Une main étrangère et à la main d'œuvre. 26 décembre 2019. Inutile de préciser laquelle. Si elle devait brandir un verre, il contiendrait de la vodka. En janvier 2020, le département d'État américain semble étayer l'analyse. Il publie des documents suggérant que des agents russes s'emploient à déstabiliser la région, notamment via Twitter. Peu suspect de russophilie, le New York Times confesse toutefois ses doutes. Les analyses fournies ne prouvent pas que les comptes qui ont alimenté les mobilisations sud-américaines sont liés au gouvernement russe. Car l'Amérique latine ressemble peut-être moins à une marionnette dont les ficelles remonteraient jusqu'à Moscou qu'à un bord de mer. Une grève d'où la mer se serait retirée au milieu des années 2000, dans un contexte de forte croissance chinoise, les gouvernements progressistes bénéficient d'un déferlement de liquidités. Puissante, la vague recouvre les antagonismes sociaux sans les supprimer. La mer monte, soulevant tous les bateaux. Certains pour la première fois. 15 ans plus tard, c'est le reflux. Le tarissement de la demande de matières premières provoque une baisse des eaux, que les politiques austéritaires de la droite accélèrent encore. Peu à peu, émergent deux monstres. Nul n'ignorait leur existence, y compris lorsque la gauche gouvernait. Mais en période d'abondance, ils demeuraient cachés sous la surface. Leur nom, corruption et inégalité. Les deux mots qui reviennent dans la bouche de tous les manifestants. Corruption ? Au Brésil, le coup d'État parlementaire orchestré par la droite traditionnelle pour provoquer le départ de la présidente Dilma Rousseff en 2016 a fini par éclabousser l'ensemble de la classe politique et par faciliter l'élection de M. Bolsonaro 2 ans plus tard. En dépit de sa promesse d'extirper la prévarication de la vie politique de son pays, le chevalier blanc de l'extrême droite se voit à son tour inquiété par de multiples affaires. Au Pérou, M. Kuczynski, qui avait baptisé son équipe le gouvernement de luxe, a démissionné en 2018, accablé par les scandales. Il a été assigné à résidence pour les mêmes motifs. Son prédécesseur, Ollanta Humala, de 2011 à 2016, est passé par la prison, un sort que les deux présidents péruviens ont fait en sorte d'éviter, en prenant la fuite dans le cas d'Alejandro Toledo de 2001 à 2006 et en se suicidant dans celui d'Alan Garcia de 2006 à 2011. Échec et mat. Inégalité. Dans un rapport publié en 2014, l'organisation non gouvernementale Oxfam constatait que, après avoir atteint leur niveau le plus élevé en 2000, les inégalités ont baissé entre 2002 et 2011. Du fait de l'action de gouvernement favorisant les mesures progressistes comme l'accroissement des dépenses publiques en matière de santé, d'éducation, de retraite, de protection sociale, d'emploi et de défense du salaire minimum. Et de conclure, l'expérience latino-américaine montre que l'intervention publique peut avoir un impact déterminant sur les inégalités. Au même moment, le Financial Times organise une réception au palais de Lancaster à Londres pour célébrer un retour dans l'ère du temps. La naissance de l'Alliance du Pacifique qui réunit le Chili, le Pérou, la Colombie et le Mexique, gouverné à droite, autour d'un programme évoquant un bréviaire néolibéral des années 90. À la tribune, le journaliste John Paul Wasbourne peine à contenir son ravissement. Alors que d'aucuns ont enterré le consensus de Washington dans la région, certains pays osent dire stop et défendre à nouveau le retrait de l'État. Ouverture de l'économie, abolition des tarifs douaniers, intégration des places financières. Les participants exposent leur projet comme on récite son catéchisme. En tant que journaliste, conclut Rasbone, j'ai rarement eu l'occasion de participer à une conférence sur l'Amérique latine où les gens échangeaient ainsi l'évidence de leurs convictions libérales, Voici assurément un développement dont il faut se réjouir. Quelques années plus tard, les promesses de Lancaster guident la politique gouvernementale dans une majorité de pays. Ancien trader, le ministre de l'économie brésilien Paulo Guedes entend profiter de l'élection de Bolsonaro pour déchaîner sur son pays la puissance de l'idéologie libre-échangiste à laquelle il s'est formé à l'université de Chicago dans les années 70. Commentant l'œuvre du général chilien Augusto Pinochet sur le plan économique, il explique « Cela a été une transformation magnifique. Thatcher et Reagan, eux, l'ont bien compris. Seule difficulté, le président des États-Unis s'appelle plus Ronald Reagan, mais Donald Trump. La critique du libre-échange a été l'un de ses principaux chevaux de bataille au cours de la campagne qu'il a portée au pouvoir. Quand il clame « America first », il ne parle pas du continent, mais des États-Unis. Le 2 décembre 2019, un de ses tweets douche les espoirs des courtisans du Sud. Le Brésil et l'Argentine procèdent depuis quelque temps à des dévaluations massives de leur monnaie, ce qui n'est pas bon pour nos agriculteurs. En conséquence, j'ai décidé de restaurer les tarifs sur l'acier et l'aluminium que les États-Unis importent de ces pays, avec effet immédiat. Les conservateurs latino-américains attendaient une bouée de sauvetage. Monsieur Trump leur lance une enclume. Quant aux marchés financiers, la sympathie qu'ils éprouvent a priori pour des dirigeants libéraux s'évanouit dès que leurs intérêts sont menacés. On aurait ainsi pu attendre des investisseurs qu'ils tentent de faciliter la vie de Monsieur Macri en irriguant l'économie argentine de capitaux quand celle-ci risquait de s'assécher à partir de 2017. Mais à la bourse, l'idéologie compte moins que le retour sur investissement. Lorsqu'un homme d'affaires au pouvoir fait perdre de l'argent, plus rien ne le distingue vraiment d'un syndicaliste. Sans soutien de Washington ou de Wall Street, la boîte à outils libérale se révèle soudain vide. Entre 2014 et 2020, l'Amérique latine enregistre son plus faible taux de croissance moyen depuis 1950, 0,5%. Contre 2,5% au cours des années 80, connue comme la décennie perdue. Alors que la population continue à croître, la richesse par habitant se contracte de 4% entre 2014 et 2019. La pauvreté augmente, les inégalités repartent à la hausse, les classes moyennes apparues au cours des années 2000 voient leur niveau de vie dégringoler. Mais il ne suffit pas que les indicateurs économiques s'assombrissent pour que les populations perdent la mémoire. Celle des avancées sociales obtenues sous les gouvernements progressistes et de gauche, bien que souvent modérées, posent un problème de taille aux droites au pouvoir aujourd'hui, observe l'historien brésilien Walter Pomar. D'où, sans doute, le basculement des classes moyennes soudain menacées de perdre leur statut. Dans les années 90, les dirigeants conservateurs étaient parvenus à leur faire accepter le néolibéralisme, dont ils n'étaient pas les premières victimes, en leur expliquant qu'il s'agissait d'une étape nécessaire pour la démocratisation d'une région qui sortait des dictatures. Pour Chipomar, les urnes pour nous, le scalpel pour les autres, en somme. Mais la situation a changé. Aujourd'hui, non seulement le néolibéralisme plonge tout le monde dans la pauvreté, mais il n'a plus de contrepartie à offrir. Le scalpel s'est transformé en hachoir, les urnes en matraque. Faut-il en conclure que la crise actuelle profitera aux partis de la gauche ? Rien n'est moins sûr. Dans les rues, les manifestants entonnent davantage de slogans dégagistes que l'international. L'Amérique latine se trouverait donc dans une situation d'échec et mat. À droite, les héritiers d'un néolibéralisme obsolète, inefficace sur le plan économique et dépourvu de légitimité. À gauche, des formations parfois discréditées par les scandales de corruption, souvent épuisées par l'exercice du pouvoir et généralement accusées d'avoir fait naître autant de frustration que d'espoir en tentant de changer le monde sans vraiment oser le bousculer. Des partis de gauche aiguillonnés par la rue, la situation pourrait sembler porteur d'espoir. Commentant les déboires de régimes qui sont pourtant hostiles, le premier secrétaire du Parti communiste cubain, Raúl Castro, a observé. La région ressemble à une plaine asséchée. La moindre étincelle pourrait provoquer un incendie susceptible de menacer nos intérêts nationaux à tous. En Bolivie, ainsi qu'à travers certaines franges du gouvernement de M. Bolsonaro, une droite restée discrète jusqu'à maintenant vient d'émerger. Ultra-religieuse, réactionnaire, anti-intellectuelle, elle adosse sa vision du monde au respect des saintes écritures. Balayer la nécessité de convaincre la population des vertus du marché. Il s'agit désormais de chasser les hérétiques. Le recours à la force n'est plus un aveu de faiblesse, mais une méthode pour restaurer l'ordre. Nettoyer les écuries d'Ogia. Des courants porteurs du même genre d'idées effectuent des percées un peu partout dans la région. Le système moribond qui produit les inégalités et la corruption finira-t-il par se retourner vers de tels fanatiques pour assurer sa survie ? Renaud Lambert.